moment c'est chaud. Ok c'est Guy chéri de retour avec Hamida. Toujours dans le coin, inimitable. Me disent tout, je veux du sérieux et me poser avec un gars pendant que moi je leur réponds. Jamais tu dis ça. Amstram, gram, on remet ça. Soit tu picoles, soit tu vas au Jenna. Bella, t'as le cœur brisé, viens par là. Je vais te réconforter comme Chris avec Rihanna. J'suis avec mes reilles, entouré de poulettes. On se la fait crème, contrôle de keufs qui baissent leur mère. On veut des sous que des billets verts. J'suis avec mes reilles, entouré de poulettes. On se la fait crème, contrôle de keufs qui baissent leur mère. On veut des sous que des billets verts. Tonight, tonight, j'me lâche, oui j'me lâche. J'm'embrouillerai pas pour des cheveux longs, type quand j'laisse ça au petit puceau. Oui, tonight, tonight, trop de classe, trop de classe. Si t'es belle, j'prends ton numéro. Toujours discret, en ce moment c'est chaud. Paira, paira, t'es fraîchement bonne. Paira, paira, crois pas que tu m'lichtonnes. 69 Marbella, imbattable que des Kaira. Broliqué jusqu'au Klewa, servé en voie n'kara. Rap Noura, j'suis sous vodka, trop remis. On fait des sous toute l'année, on est classé Army. Un biberon entre les jambes et ça roule sans permis. On aime l'oseille, la frime, les meufs en bikini. J'suis avec mes reilles, entouré de poulettes. On se la fait crème, contrôle de keufs qui baissent leur mère. On veut des sous que des billets verts. J'suis avec mes reilles, entouré de poulettes. On se la fait crème, contrôle de keufs qui baissent leur mère. On veut des sous que des billets verts. Tonight, tonight, j'me lâche, oui j'me lâche. J'm'embrouillerai pas pour des cheveux longs, type quand j'laisse ça au petit puceau. Tonight, tonight, trop de classe, trop de classe. Si t'es belle, j'prends ton numéro. Discret, en ce moment c'est chaud. 2014, alligator, fornicator. J'sais que t'adores, j'suis trop hardcore. Pour la proximité, GS Extremida. Et c'est pas d'imité, toujours illimité. Dans les carrés VIP, j'suis pas les chauds mon gros. J'suis toujours en équipe, cœur d'Algérien chéri. Trop solide, c'est fini, j'suis trop chaud. Il me faut une petite Katy Perry. Une petite Katy Perry. Ton make-up dégouline, cet été on s'arrache. Pas chaque échevara, on est violé. Quatre points, viens, on débarrasse. J'suis avec mes reilles, on tranquille la life. Contrôle de keufs qui baissent leur mère. Tranquille la life. Lève tes mains en l'air. Et avec mes reilles entouré de poulettes. On se la fait crème. DJ Hamida dans la caisse. On veut des sous et des billets verts.